بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مرحبا بكم جميعا يا أيها الإخوة والأخوات dans cette assise qui se veut être une deuxième assise dans notre série de traductions approximatives et résumées des propos de notre noble cher Salim Bamehrez, حفظه الله تعالى, dans les explications qu'il nous fait l'honneur de nous octroyer le dimanche, dans la compréhension des paroles de l'imam Ibn Abi Daoud al-Sijistani dans son poème Al-Ha'iyya. Et nous avons donc bénéficié de l'expérience et de la science du Cheikh, hafidhahullah ta'ala, dans l'étude de la Aqidah, et donc nous allons aborder la suite du poème. Nous sommes arrivés à la partie où le mu'allif, c'est-à-dire l'auteur, le poète Ibn Abi Daoud al-Sijistani, a dit وَقُلْ يَتَجَلَّى اللَّهُ لِلْخَلْقِ جَهْرَةً كَمَا الْبَدْرُ لَا يَخْفَى وَرَبُّكَ أَوْضَحُ. C'est-à-dire, et dit, Allah apparaîtra clairement à ses créatures, telle la pleine lune bien apparente et ton Seigneur sera plus clair. Ceci fait référence à une vision d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sera faite par les serviteurs le jour de la résurrection, dans l'au-delà. Allah va les honorer de par sa vision, le jour de la résurrection. Et Allah n'a été vu jusqu'à présent par personne dans cette dunya. Et ceci est la croyance des gens de la sunna, qui est basée sur le Coran et la sunna et l'ijma', le consensus des imams de la sunna, concernant le fait que la vision d'Allah aura bel et bien lieu, yawm al-qiyamah. Et donc l'affirmation du poète à travers son poème, est en cela une réfutation des djahmites et de ceux qui leur sont similaires, parmi ceux qui ont renié les noms et les attributs d'Allah de par leur faiblesse d'esprit, ils sont tombés dans le ta'til ou d'autres sont tombés dans le tamthil et d'autres parmi les égarements reconnus dans le sujet du dogme. Et donc il y a ici l'importance de connaître le dogme authentique, le dogme des adeptes de la sunna, afin d'être sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'auteur a dit « waqul », c'est-à-dire « dit, professe, profère, ô toi le sunni, ô toi qui es adepte de la sunna, qui suis l'épreuve ». Naam. Et que donc tu dois affirmer cette vision, qui sera faite d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses serviteurs azza wa jal. Et que les kuffars et les munafiqoun seront privés de cette vision-là. Et il mentionna le verset de Surat al-Mutaffifin, et en ce jour ils seront voilés. Et ceci donc sera une humiliation pour les mécréants, du fait qu'ils se retrouveront entravés et empêchés de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que pour les serviteurs croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera un anoblissement pour eux du fait de pouvoir voir Allah. Et le mu'allif a dit « Kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu » c'est-à-dire comme la pleine lune. Allah sera vu, yani comme la pleine lune. Et ceci est une comparaison entre les deux visions et non pas entre ce qui est observé. C'est-à-dire qu'on ne compare pas Allah à la lune en disant qu'Allah serait telle la lune. Mais plutôt, on compare la vision de la lune avec la vision d'Allah, dans le sens où, tout comme les gens n'ont aucune difficulté dans le fait d'observer la lune lorsqu'elle est pleine, lorsque le ciel est dégagé, ils auront la même aisance dans la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, et Allah est encore plus clair que cela. Naam. Et donc le cheikh, hafidhahullah ta'ala, a expliqué que donc la pleine lune, lorsqu'elle survient dans, par exemple, le 14e et le 15e jour du mois lunaire, la lune est pleine et la lune illumine le ciel et il n'y a aucune gêne pour l'observer. Elle est facilement et aisément observable. Il n'y a nul obstacle oculaire pour y en empêchant sa vision. De la même, Allah subhanahu wa ta'ala sera tout aussi visible, dans le sens où ce sera tout aussi facile d'observer Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà pour les serviteurs croyants. Et il mentionna un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari ainsi que dans le sahih de l'imam Muslim, dans lequel il rapporta alayhi salatu wa salam, selon Abu Huraira, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Vous verrez certes votre Seigneur à la manière dont vous observez la pleine lune. » Donc ceci est une preuve claire, patente, explicite concernant cela. Donc la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà est réelle. Ce n'est pas une allégorie, ce n'est pas une image, c'est une réalité qui surviendra. Non. Et Allah est encore plus clair à voir que la lune. Et Allah nous a permis de pouvoir observer la lune dans cette vie d'ici-bas. Et en tant qu'anoblissement pour les serviteurs d'Allah, Allah leur permettra de pouvoir l'observer, de pouvoir le voir dans l'au-delà, Azza wa Jal. Et ceci résulte de la tarbiya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la tarbiya d'Allah, sa rububiyya, elle est de deux sortes. C'est-à-dire, il y a une éducation, une forme d'éducation qu'il octroie à tous ses serviteurs, dans le fait qu'il a créé ses serviteurs, et parmi eux, il y a le kafir, il y a le mu'min, à qui il octroie boisson, subsistance, progéniture, et ainsi de suite. Et ceci fait partie de sa tarbiya amma, mais fait partie de sa tarbiya khassa, qui n'est octroyée qu'aux croyants de la communauté des êtres humains, et notamment, entre autres, le fait qu'il leur octroie le fait d'avoir la foi, qu'il leur octroie une éducation dans la science islamique, et le fait d'avoir le tawfiq. Et fait partie de cela, le fait qu'ils soient du nombre des croyants, et qu'ils seront donc récompensés pour leur foi, qu'Allah leur a permis d'avoir, et yom al-qiyamah, ils seront anoblis par Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans l'explication du vers suivant, وَلَيْسَ بِمَوْلُودٍ وَلَيْسَ بِوَالِدٍ وَلَيْسَ لَهُ شِبْهٌ تَعَلَى الْمُصَبَّحُ. C'est-à-dire que ce vers de poésie fait référence au fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas engendré, c'est-à-dire qu'il n'est le descendant de personne, ni n'a engendré, c'est-à-dire qu'il n'a aucune descendance, donc il n'a pas d'ascendance et il n'a pas de descendance, subhanahu wa ta'ala. Et donc il n'est pas engendré, ni n'a engendré, et il n'a point de semblable, glorifié et exalté soit-il. Donc Allah n'est pas comme sa création, Allah n'est pas comme l'être humain, il n'a ni descendant ni ascendant. Et il mentionne à Cheikh Hafidhahullah ta'ala, les versets de Surat al-Ikhlas, dit il est Allah l'unique, na'am. Et dans cette surah, il y a des versets que le cheikh a mentionnés qui font référence à cette mas'ala. Il n'a pas engendré, ni il n'a été engendré, non plus, et nul ne lui est égal. Subhanahu wa ta'ala. Donc tu te dois de croire dans le Coran et la Sunna. Na'am. Et le poète ici, c'est-à-dire Ibn Abi Daoud al-Sijistani, à travers ses vers de poésie, décrit la voix des pieux prédécesseurs de cette communauté. Le fait d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ses noms et ses attributs, et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de similaire. Il n'a pas d'égal, il n'a pas d'équivalent, que ce soit dans ses noms, ses attributs ou dans les actes qu'il accomplit, subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh mentionna le verset de surat al-Shura, dans lequel Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens du verset, « Et rien ne lui est similaire. » Et donc, les croyants, les adeptes de la sunna, ont une méthodologie dans le sujet des noms et des attributs divins, le fait d'affirmer tout en faisant at-tanzih. C'est-à-dire qu'ils affirment à Allah ce qu'Allah a affirmé pour lui-même et ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah, et également ils font at-tanzih. At-tanzih, c'est le fait d'exempter Allah d'une quelconque similitude avec ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Et il mentionna le verset du Qur'an al-Karim dont le sens en français est le suivant, « Lui connais-tu un homonyme ?» Et il mentionne un autre verset, « Et rien, et nul ne lui est égal. » Et il mentionne un autre verset, « Ne lui attribuez point des égaux alors que vous savez cela. » Non. Donc ceci, ce sont des versets qui montrent la méthodologie des gens de la sunna et du consensus, qui est d'affirmer à Allah les noms et les attributs qu'il s'est affirmé à lui-même, subhanahu wa ta'ala, sans lui établir de similitude avec ses créatures, azza wa jal. Donc nous ne tombons pas dans le tashbih, ou dans le tamthil, ou dans le ta'til. C'est-à-dire que nous n'établissons pas entre Allah et ses créatures de similitude, de similaire. Et nous ne nions pas ce qu'Allah a affirmé pour lui-même. Ou nous ne nions pas ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ceci est le manhaj des gens de la sunna et des adeptes de la sunna. Et celui qui affirme donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui affirme qu'Allah a des noms et des attributs, le fait qu'il affirme des attributs ne fait pas de lui quelqu'un qui affirme qu'Allah a des similitudes avec ses créatures. Car la réalité des attributs sont inconnues. Nous ne connaissons pas la réalité des attributs divins. Et les mu'tazilites, les mu'attilas, ceux qui nient les attributs d'Allah, accuse injustement les adeptes de la sunna en disant que nous établissons des similitudes par le fait de dire qu'Allah par exemple a des mains, qu'Allah a une face, alors que c'est Allah qui a dit cela à ce propos de sa propre personne. Par le fait que nous affirmons cela, ces gens-là nous accusent d'être des gens qui attribuent à Allah des similitudes avec ses créatures, alors que nous ne faisons qu'affirmer ce qu'Allah a dit. Et nous ne prétendons pas qu'il y a une similitude entre Allah et sa création dans les attributs. Non. Et donc, Ta'ala al-Musabbahu, donc la suite du verset, al-Musabbahu, c'est-à-dire celui qui est glorifié et exalté, c'est-à-dire celui qui est décrit comme étant parfait et exempt de tout défaut, ou de toute déficience, ou de tout manquement. Naam. Et donc, le fait de glorifier Allah est quelque chose de très noble, le fait de dire Subhanallah, de faire le tasbih d'Allah, car par le fait de faire at-tasbih, c'est dans le sens at-tanzih, le fait de glorifier Allah par le fait de mentionner le fait qu'il n'a absolument aucun défaut, qu'il n'a aucune déficience. Subhanahu wa ta'ala. Et parmi les textes qu'il mentionna, il y a la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, dans le hadith rapporté par Abu Huraira radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y existe deux paroles qui sont légères sur la langue, qui sont lourdes dans la balance et qui sont aimées du tout miséricordieux, c'est-à-dire aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de dire subhanallahi wa bihamdihi et le fait de dire subhanallahi al-azim. Naam. Et dans un autre hadith rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionna alayhi salatu wa sallam que parmi les meilleures paroles aimées d'Allah, et il en mentionna plusieurs, et parmi elles, le fait de dire subhanallah. Et les innovateurs, eux, pour eux, le tasbih, le fait de faire at-tanzih, d'exempter Allah de toute déficience, de tout manquement, de tout défaut, pour eux, ça revient à nier les attributs. Alors que ceci n'est pas la voie des gens de la sunna. Naam. Et Allah est bien au-dessus de ce qu'il décrivent à son propos. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, concernant le vers suivant. وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ هَذَا وَعِنْدَنَا بِمِصْدَاقِ مَا قُلْنَا حَدِيثٌ مُصَرِّحُ. C'est-à-dire, et le Jahmite rejette ceci, alors que nous avons pour attester de ce que nous disons un hadith manifeste, c'est-à-dire un hadith explicite. En effet, Ibn Abi Daoud, après avoir expliqué la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a, il mentionna que donc ce dogme-là est rejeté par l'adepte de la Jahmiyyah, le Jahmite. Il rejette ceci, alors que nous ne faisons que transmettre ce qui est venu dans la révélation. Nous ne prenons pas de ce qui vient de nos intellects, nos opinions personnelles ou nos a priori personnels. Nous affirmons notre dogme qui est basé sur la révélation et nous ne faisons que transmettre la révélation telle qu'elle. Non. Et donc le Jahmite est l'adepte du dogme et de la voie inventée par Jahm ibn Safwan, qui est le leader du culte, de ce culte déviant, de cette voie déviante. Et les adeptes de la Sunna ont des preuves pour leur dogme. Ils ont des preuves, notamment textuelles et notamment rationnelles, logiques. Et les preuves textuelles passent bien avant celles qui sont basées sur la raison. Non. Et donc les adeptes de la Sunna ont un hadith clair, explicite, rapporté dans les deux sahih, donc dans le sahih de l'imam al-Bukhari et le sahih de l'imam muslim, selon Jabir ibn Abdillah al-Bajali, radiallahu anhu, dans lequel il mentionna qu'ils étaient en compagnie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que la lune était pleine. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à ses compagnons en disant: vous verrez certes votre Seigneur quand vous voyez la lune lors de la pleine lune, sans que vous n'ayez de quelconque difficulté pour l'observer, sans obstruction quelconque. Et si vous pouvez faire en sorte de préserver la prière qui s'accomplit avant le lever du soleil et la prière qui s'accomplit avant le coucher du soleil, alors faites-le. Et Cheikh Salim Mahrez a expliqué que ces deux prières désignées dans ce hadith sont la prière d'Al-Fajr et la prière d'Al-Asr. Et donc ce hadith est sûr. Et ce hadith a plusieurs riwayat. C'est-à-dire que c'est des hadiths mentionnant et affirmant la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala par les croyants dans l'au-delà. Ceci a été rapporté par plus d'un des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, notamment Abu Huraira, Jabir ibn Abdillah et d'autres encore. Il existe d'autres riwayat. Naam. Et donc, le vers suivant mentionne Rawahu Jarir an maqali Muhammadin faqul mithla ma qad qala fi dhaka tanjahu. C'est-à-dire, et Jarir, donc Jarir ibn Abdillah, Jarir l'a rapporté venant des propos de Muhammad, dit alors la même chose que ce qu'ils ont dit, tu récolteras le succès. C'est-à-dire que on doit affirmer ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a affirmé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Ahmed a expliqué dans une narration: décrit Allah comme il s'est décrit lui-même et comme l'a décrit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous ne devançons pas le Coran et la Sunna. Et donc en agissant de la sorte, c'est-à-dire en affirmant ce qu'Allah a affirmé à travers le Coran et la Sunna et ou la Sunna concernant ses noms et ses attributs, en agissant de la sorte, tu seras sauvé. Tu seras sauvé dans ce bas monde car tu seras sur la voie de la vérité, la voie de la salvation et tu seras sur la voie de l'adoration d'Allah sur une clairvoyance. Naam. Ensuite, le vers suivant. وَقَدْ يُنْكِرُ الْجَهْمِيُّ أَيْضًا يَمِينَهُ وَكِلْتَ يَدَيْهِ بِالْفَوَاضِلِ تَنْفَحُ. C'est-à-dire, et le Jahmi rejette également sa main droite, alors que ses deux mains donnent toutes sortes de grâces. Donc là, c'est une autre mas'ala de Aqidah, qui est la mas'ala relative à l'affirmation des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les Jahmites et leurs adeptes et ceux qui leur sont similaires, eux rejettent les textes. Nous ne faisons que mentionner les textes et les affirmer. Tandis que eux les rejettent et les renient. Nous ne faisons qu'affirmer. Et nous n'affirmons pas de similitude entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Le fait d'affirmer l'attribut tel qu'Allah tabaraka wa ta'ala l'a affirmé ne constitue pas une affirmation de similitude entre Allah et sa création. Et le cheikh, pour donner un exemple comparatif afin de faire comprendre cette chose-là, a établi la comparaison qu'il y a entre les attributs des créatures. Il dit par exemple, la face de l'être humain est-elle similaire à la face de la fourmi? Il n'y a aucune similitude. Elles sont totalement différentes. Pourtant, on appelle tous les deux ça. Tous ces deux attributs sont nommés par l'attribut de la face. Pareil avec la patte, la main de l'être humain et la patte de la fourmi. Est-ce qu'elles sont similaires? Non, pourtant, elles ont le même nom en arabe. On appelle ça yad. Non, on va appeler cela avec le terme main. Pourtant, la main de l'être humain et la main de la fourmi qu'on appelle une patte en français, ceci y en est à une appellation commune, mais n'a pas de réalité commune, n'a pas de similitude. Donc, si ceci, c'est-à-dire qu'il existe une telle différence, un tel écart, en tant que dans les différences qu'il existe entre les attributs des créatures entre elles, qu'en est-il lorsque l'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachant que on n'a jamais affirmé la similitude entre Allah et ses créatures concernant ses attributs. Note du traducteur. La seule similitude que nous avons avec Allah, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen l'a mentionné, c'est dans la tasmiyah. Dans la tasmiyah, nous avons cela en commun avec Allah. C'est-à-dire que par exemple, Allah a l'attribut de la main, nous avons l'attribut de la main. Nous avons en commun l'appellation de cet attribut. Mais la réalité de cet attribut est tout autre. C'est-à-dire que la main d'Allah n'a rien à voir avec la main de ses serviteurs. Donc Allah a deux mains réelles, existantes, n'ayant aucune similitude avec les mains de ses serviteurs. Et les adeptes du ta'til, c'est-à-dire ceux qui nient les attributs divins, ont initialement eu la maladie du tamthil et ont voulu fuir cela, ils sont tombés dans le ta'til. C'est-à-dire que eux, lorsqu'ils sont tombés sur les textes affirmant les attributs divins, ils ont commencé à imaginer, à accorder à Allah dans leurs esprits des similitudes avec ses créatures. Et quand ils ont voulu fuir cet égarement-là dans lequel ils étaient tombés, ils sont tombés dans le fait de nier de façon absolue et complète les attributs divins d'Allah subhanahu wa ta'ala, évitant un dalal tombant dans un autre. Naam. Et donc, les gens de la sunna affirment les attributs divins sans tomber dans le fait d'affirmer des similitudes entre Allah et ses créatures. Et ils nient ce qu'Allah a nié pour lui-même, ainsi que ce que le messager d'Allah a nié vis-à-vis d'Allah, comme imperfection, yani déficience et manquement. Et nous nions ces choses-là, donc les manquements et les déficiences et les défauts que des gens pourraient vouloir attribuer à Allah. Nous nions ces imperfections-là vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans tomber dans le fait de nier les attributs qu'Allah a affirmés pour lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Et Allah a affirmé les noms pour lui-même. Subhanahu wa ta'ala. Et il l'a mentionné dans le Coran, dans le verset dont la traduction approximative du sens est la suivante. À Allah appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-le donc par ces noms. Et il mentionna le verset, Cheikhouna, Cheikh Salim, mentionna également le verset, lorsqu'Allah s'adressa à Adam, s'adressa à Shaitan, à Iblis, lorsqu'il refusa de se prosterner devant Adam, en s'adressant à lui dans le verset dont le sens approximatif en français est le suivant, qu'est-ce qui t'a donc empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains, c'est-à-dire de mes deux mains? Donc Allah a affirmé le fait qu'il a deux mains, subhanahu wa ta'ala. Cependant, nous ne savons pas comment Allah est, et nous ne savons pas comment sont ses mains, subhanahu wa ta'ala. Et donc les innovateurs nous accusent d'établir des similitudes entre Allah et ses créatures par le fait d'affirmer ses attributs, alors qu'en vérité, ce sont eux qui sont tombés dans cela, et ils ont fui cet égarement-là, dont nous sommes innocents, et eux sont tombés dedans, et en voulant le fuir, sont tombés dans un autre égarement qui est l'égarement opposé, le fait de nier les attributs de façon totale. Nous affirmons les attributs d'Allah, notamment le fait qu'Allah ait deux mains, qu'elles sont existantes et qu'elles sont réelles, mais nous ne savons pas comment elles sont, et nous affirmons qu'Allah n'a rien de similaire. C'est-à-dire que rien n'est similaire à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a mentionné dans le verset 11 de Sourate Shura, et rien ne lui est similaire, selon le sens en français du verset. Et donc le Jahmite rejette la main droite d'Allah et ses deux mains. Non. Et nous affirmons les mains d'Allah, et comment elles sont, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Mais nous affirmons qu'avec ses deux mains, il saisit, subhanahu wa ta'ala. Et nous affirmons les mains d'Allah de par le sens apparent de la langue arabe. Et le comment des attributs divins nous est inconnu. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, fut décrit dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa parole, alayhi salatu wa sallam, et les deux mains de mon Seigneur sont droites. Note du traducteur. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, dans son explication de Kitab al-Tawhid, a expliqué ce hadith en disant, et ses deux mains sont droites, c'est-à-dire que ses deux mains sont équivalentes en perfection. Il n'y a pas une de ses mains qui serait plus, il y en a moins parfaite que l'autre. Mais les deux mains d'Allah sont parfaites, similaires et équivalentes en termes de perfection absolue, dénuées de quelconque d'un quelconque défaut ou déficience ou manquement. Non. Et il mentionne dans le verset, et ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, et au jour dernier, il tiendra le monde dans sa main. Il tiendra le monde dans sa main, dans le sens du verset. Naam. Et les adeptes des innovations ont renié les mains d'Allah dans le sens où certains d'entre eux ont interprété les mains d'Allah comme étant la qudra, c'est-à-dire la capacité d'agir. Naam. Et donc, ceci est leur argument. Nous leur disons, quelle est votre preuve? Allah a dit main. Vous, vous dites capacité, qudra, la capacité ou l'omnipotence ou la capacité à agir ou à créer des choses. Naam. Comment vous pouvez dire cela alors que vous n'avez absolument aucune preuve pour cela? Et Allah a dit dans Sourate Al-Mulk, gloire à celui qui détient dans sa main la royauté, dans la main duquel se trouve la royauté. Allah a dit main. Et Allah dans le Coran a dit, et ses deux mains sont amplement ouvertes et il pourvoit de ses dons. Donc Allah a dit main. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'homme le plus éloquent parmi les Arabes et le plus explicite dans ses propos et le plus clair dans ses propos, a dit, et ses deux mains sont droites. Donc nous affirmons les mains d'Allah. Et nous affirmons qu'Allah octroie à ses serviteurs de ses dons. Et dans les attributs d'Allah, nous distinguons deux catégories. Les sifat dites dhatiya, les attributs d'essence, qui sont inhérents à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont par exemple ses mains, ses deux mains, ses deux yeux, le pied, l'attribut du doigt. Nous affirmons ces choses à Allah, ce sont des attributs d'essence, inhérents à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a la deuxième catégorie, les sifat dites fi'liya, les attributs d'action, qui dépendent de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accomplit quand il veut, comme sifat al-nuzul, l'attribut de la descente, ou sifat al-istiwa, l'attribut de l'élévation. Et nous affirmons ces choses-là sans tomber dans le ta'til, c'est-à-dire sans le fait, dans le fait de tomber dans la négation des attributs divins, sans tomber dans le tamthil, dans le fait d'établir des équivalences entre Allah et ses créatures, sans tomber dans le takyif, dans le fait de vouloir chercher à parvenir à la connaissance du comment des attributs d'Allah. Et nous pratiquons at-tanzih, le fait de nier toute similitude entre Allah et ses créatures. Et le nuzul, la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle survient, nous l'affirmons, mais nous n'en connaissons pas le comment. Le comment ne nous est pas connu. Nous affirmons ce que le Coran et la Sunna disent plutôt, ce que le Coran et la Sunna disent, et nous nous abstenons de tomber dans les fausses interprétations fallacieuses. Et Allah est décrit à travers la révélation, comme descendant au ciel de cette dunya. Et il octroie de ses grâces et fait don de ses grâces, et les portes de l'exaucement sont alors ouvertes. Et celui qui implore le pardon, alors il se verra octroyer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et obtiendra ses grâces. Azza wa jal. Et ça, c'est le sens du vers suivant. وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفَ جَلَ الْوَحِيدُ الْمُتَمَدِّحُ. C'est-à-dire, il dit, le contraignant descend chaque nuit, sans dire comment magnifique soit l'unique et le très loué. Ceci donc fait référence à une autre mas'ala, qui est la mas'ala d'un nuzul. Et donc, nous affirmons un nuzul sans en connaître le comment. Allah descend au ciel de cette dunya dans le dernier tiers de chaque nuit, le comment nous est inconnu. Et il octroie de ses grâces et pourvoit de ses grâces à ses serviteurs, et à ce moment-là, les portes de l'exaucement sont alors ouvertes. Et celui qui implore le pardon obtiendra le pardon. Celui qui implore pour obtenir un don obtiendra ce don de la part d'Allah. Et donc, parmi les œuvres du serviteur qui a la foi dans ce sujet-là, adorer Allah en faisant la prière de nuit, en invoquant de nuit dans le dernier tiers de la nuit. Et An-Nuzul fut rapporté par des gens véridiques, qui sont très nombreux et dont le hadith n'est pas rejetable. Et certaines personnes se permettent de rejeter ou d'affirmer des choses vis-à-vis d'Allah. Et ils parlent de ce qui ne revient pas, ils parlent dans des sujets qu'ils ne méritent pas d'aborder. Et nous leur mentionnons le verset que le cheikh a mentionné. Êtes-vous plus savant ou est-ce Allah? Et nous affirmons ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé vis-à-vis de son Seigneur. Et il est celui qui fut décrit à travers la révélation du Coran, dans le verset de Sourate An-Najm, dans lequel Allah a dit, selon la traduction approximative du sens du verset, et il ne parle pas sous l'effet des passions, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Et donc cet homme qui reçoit la révélation, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné dans un hadith, et ce hadith-là, dans le sens de ce hadith, a été rapporté par près de 23 sahaba. 23 sahaba ont rapporté An-Nuzul. C'est-à-dire qu'ils ont rapporté un hadith qui fait la mention de l'an-nuzul, de la descente divine. Et parmi eux, le hadith qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et dans le Sahih de l'imam Muslim, selon Abu Huraira, radiallahu anhu, dans lequel il est rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé, notre Seigneur descend au ciel de cette dunya. Et donc nous affirmons cela, sans tomber dans les interprétations fallacieuses, dans le fait de dire que c'est la rahma, la miséricorde d'Allah qui descend, ou c'est le bien qui vient d'Allah qui descend, ou c'est la grâce qui vient d'Allah qui descend. Nous affirmons ce que le prophète, qui est le plus éloquent des Arabes, a dit. Il a dit textuellement, Yanzilu Rabbuna, notre Seigneur descend au ciel de cette dunya. Et le prophète sallam était éloquent. S'il voulait dire autre chose, il aurait dit autre chose. Il n'a pas dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous, adeptes du ta'til, adeptes de la négation des attributs divins, ce que vous affirmez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas affirmé. Et donc nous affirmons al-nuzul, nous affirmons la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans tomber dans le takhif, c'est-à-dire sans chercher à parvenir à la connaissance du commun, sans tomber dans le tamthil, sans établir de similitude entre les actions d'Allah et les actions des serviteurs. Et sans tomber dans le ta'til, sans tomber dans le fait de nier cet attribut qu'Allah a affirmé. Donc nous affirmons les attributs divins, sans tomber dans la similitude, dans le fait d'établir des similitudes entre Allah et ses créatures, et nous nions toute imperfection et toute déficience et tout défaut à Allah, sans tomber dans le fait de nier des attributs qu'Allah a affirmé pour lui-même, Azza wa Jal. Et Allah s'est affirmé des noms dans le Coran, et de chaque nom découle un attribut, il est Al-Aziz, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Kabir, Azza wa Jal. Subhanahu wa ta'ala, il a des noms qu'il s'est affirmé pour lui-même, et de chaque nom découle un attribut. Naam. Et donc le nuzul, on l'affirme. Et tu ne connais pas le comment. Naam. Et dans le Musnad de l'imam Ahmed, il est rapporté un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'à ce moment-là, après sa descente au premier ciel de cette dunya, Allah s'adresse à sa création. Naam. Leur disant, Yanni, qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande pardon afin que je lui pardonne, qui me demande afin que je lui octroie, dans le sens du hadith. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait don de ses grâces à ses serviteurs. Et il est rapporté dans le sahih de l'imam Muslim qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc c'est donc un hadith qudsi, dont le sens approximatif et résumé est le suivant. Ô vous mes serviteurs, si le premier d'entre vous, le dernier d'entre vous, parmi les hommes et les djinns, m'implorait et m'invoquait me demandant quoi que ce soit parmi ce qu'il désire, et que j'octroyais à tout à chacun ce qu'il a demandé et ce qu'il désirait, ceci ne diminuerait en rien à ma royauté. Naam. Donc notre base dans le domaine est la révélation. Notre base dans ce domaine est la révélation textuelle. Naam. Donc Allah descend. وَقُلْ يَنْزِلُ الْجَبَّارُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ بِلَا كَيْفَ جَلَى الْوَاحِدُ الْمُتَمَدَّحُ إِلَى طَبَقِ الدُّنْيَا يَمُنُّ بِفَضْلِهِ فَتُفْرَجُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُفْتَحُ يَقُولَ لَا مُسْتَغْفِرٌ يَلْقَى غَافِرًا وَمُسْتَمْنِحٌ خَيْرًا وَرِزْقًا وَفَيُمْنَحُ. C'est-à-dire donc, et dit, le contraignant descend chaque nuit sans dire comment, magnifié soit l'unique et le très loué, au ciel le plus bas il privilégie de sa grâce, alors se déclinera les portes du ciel qui puis s'ouvriront. Il dit, y a-t-il un demandeur de pardon pour qu'il trouve un pardonneur, et un demandeur de bien et de subsistance afin qu'on lui donne. Donc ceci a été expliqué. رَوَاهُ ذَاكَ ذَاكَ قَوْمٌ لَا يُرَدُّ حَدِيثُهُمْ أَلَا خَابَ قَوْمٌ كَذَّبُوهُمْ وَقُبِّحُوا. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont renié ces propos-là, qui ont été rapportés par de nombreux yani sahaba à travers les hadiths. Et donc notre base dans ce domaine est la révélation. Et ceux qui se sont détournés de la révélation furent enlaidis et humiliés. Donc prends garde au fait de t'opposer à la voix des adeptes de la sunna dans les noms et les attributs. Donc nous nous arrêtons là pour notre assise d'aujourd'hui. Et dans l'assise de la semaine prochaine, Inch'Allah, nous ferons la traduction des questions-réponses que nous avons eues avec le cheikh, étant donné qu'il est bientôt l'heure de Salat al-Asr et que nous avons besoin de préparation pour traduire, préparer une traduction conséquente et pertinente des propos de notre noble cher dans la session de questions-réponses que j'ai eu l'honneur d'avoir avec lui aujourd'hui. Hafidhahullahu ta'ala wa ra'ahu. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine assise avec notre cher Salim Bamahriz dans son explication, et nous ferons en sorte, bi'idhnillah, de faire peut-être la traduction entre l'Asr et le Maghrib, afin d'avoir le temps, bi'idhnillahi azzawajal, exceptionnellement, de pouvoir traduire la prochaine assise, et de pouvoir traduire les questions-réponses de la prochaine assise, et les questions-réponses de cette assise-ci. Exceptionnellement, nous ferons la traduction la semaine prochaine, entre le Asr et le Maghrib. Wa billahi ta'ala tawfiq. Et si certains d'entre vous ont des questions concernant le contenu du cours de Cheikh Salem en arabe, ou le contenu de ma traduction, n'hésitez pas à utiliser le chat de notre radio, ou de contacter nos comptes Twitter ou nos comptes Telegram sur les réseaux sociaux, SNM Publications. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمدك أشهد أن لا